J'aime m'asseoir en ces lieux quand j'en ai l'occasion. Je me livre à ce jeu qui est l'observation. Je regarde, je me tais et j'observe en silence. C'est là que j'aime retrouver les traces de l'existence. Il y a des types qui s'accoudent le long du grand comptoir et qui lèvent le coude pour siffler leur Ricard. Les types se lancent alors dans de longues conversations, refaisant le monde assez fort de constats, d'opinions. Il y a des potes qui s'assoient autour de quelques tables et qui rient aux éclats de leurs souvenirs de cartables, qui confient leurs secrets et affichent leurs conquêtes et qui refont la vie, avec des rêves plein la tête. Il y a des couples qui viennent s'isoler un moment, mélanger leur haleine dans ce bruit incessant, se lançant des mots d'amour, des secrets, des reproches, à l'abri au grand jour, et ils vident alors leurs poches. Il y a des types qui noient leur chagrin dans des nuits, chaque jour ils sont là mais ont de la compagnie. Ils aimeraient oublier ce qui ternit leur vie, l'ivresse ne fait que passer sans penser leurs soucis. Il y a des gens de passage, des rencontres éphémères, des milliers de visages et des paroles dans l'air. Ça s'en va, ça revient, ça ne fait que passer, cette escale en chemin, elle s'appelle café. J'aime m'asseoir en ces lieux quand j'en ai l'occasion, je me livre à ce jeu qui est l'observation. Je regarde, je me tais et j'observe en silence, c'est là que j'aime retrouver les traces de l'existence. Je suis assis dans un coin et je sors mon cahier, un critérium en main, je suis tout de suite inspiré, et d'un geste léger, je pose les premiers mots, il m'arrive de gommer, mais je réécris aussitôt. Tel un peintre sans pinceau qui une mine pour couleur, je peins ce tableau de mes mots, c'est le budget d'un slammer. Peu importe le lieu, on retrouve toujours ça, café chic ou miteux, la vie est toujours là. Moi j'adore ces instants que l'on capte sur le vif, un détail, un moment, il faut être réceptif, ça se passe en une seconde, mon œil est un radar, je flasse l'instant, je succombe et j'en fais des histoires. Je te parle pas du passé, je te parle pas du futur, mais ce qui est là sous ton nez, carpe diem, bien sûr. Oublions l'esthétique, oublions nos histoires, ces moments sont magiques, ils passent sans dire au revoir. Quand je regarde ces gens, que je retrouverai ailleurs, certainement différents, peu importe la couleur, je me dis que derrière nos allures, nos grands airs, on cherche tous des repères et l'amour de nos pères. J'aime m'asseoir en ces lieux quand j'en ai l'occasion, je me livre à ce jeu qui est l'observation. Je regarde, je me tais, j'observe en silence, c'est là que j'aime retrouver les traces de l'existence. Je lève les yeux, je tourne la tête, je baisse le nez et j'écris. Cette symphonie m'entête, mais j'aime la mélodie. Pas besoin d'instruments, un peu comme pour le slam. La voix de tous ces gens rythme la vie de Paname. Le serveur vient vers moi, car il doit encaisser. Je lui paye ce que je dois, un café allongé. Sa journée est finie, elle recommence demain. Il va rentrer chez lui et sortir de ce refrain. Moi aussi, faut que je m'en aille, car il est déjà tard. Mon critérium me baille, mon cahier en a marre. Les pages sont bien remplies et j'ai de la matière. Mon taf n'est pas fini, je dois corriger mes vers. Je ferme mon cahier, je ramasse mes affaires, mais juste avant d'y aller, je m'arrête pour faire un merci silencieux à ceux qui, sans le savoir, me rendent fou amoureux de ces instants sans mémoire. Je viens de quitter ces lieux, j'ai saisi l'occasion. Je me suis prêté au jeu, qui est l'observation. Je me suis tu, j'ai regardé, j'ai écrit en silence. Je viens de vous faire partager ces traces de l'existence.